consommation ou le crédit à la consommation, donc parce que le crédit revolving est vendu par les organismes de crédit. Et en fait, mon angle de réflexion, c'était de demander comment ce crédit qui est très décrié, qui est toujours le premier visé par les entreprises, par les consommateurs, etc., réussit quand même à attirer une grande partie de la population, puisque on a pour l'année 2004 9% des Français de plus de 18 ans qui ont un crédit revolving, ce qui n'était pas négligeable. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression de l'encours qui, en 15 ans, a été de 143%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un crédit qui est arrivé vraiment dans les années 80, fin des années 80, qui s'est installé dans les années 90. Il est vendu initialement par les établissements spécialisés de crédit et petit à petit, dans les années 80-90, par les banques qui y voient quand même une source de profit non négligeable, tout en étant toujours relativement ambigu par rapport au crédit. Et donc, mon idée, c'est que la façon de vendre ce crédit, c'est de l'entourer de flou et de discrétion qui concerne, donc on va le voir, à la fois les outils pour l'utiliser et puis finalement même la façon dont il marche, le prix qu'il coûte. Et c'est comme ça que les emprunteurs et les prêteurs finalement se mettent d'accord sur une zone de discrétion du monde économique pour ne pas avoir à trop regarder en face de quoi il est propre. Alors j'avais fait un petit tableau pour préciser ce qu'est le crédit revolving par rapport au crédit amortissable, c'est-à-dire montrer que donc, le crédit amortissable, ce qu'on connaît le plus, se caractérise par des sommes fixes qu'on emprunte initialement, un tableau d'amortissement qui fixe les mensualités et des taux d'intérêt qui sont faibles, alors que le crédit revolving, on a des mensualités qui peuvent changer à tout moment. La somme empruntée évolue puisque le crédit se reconstitue et avec les remboursements. Donc on peut toujours pré-emprunter et il y a des taux d'emprunt qui sont relativement élevés, qui peuvent aller jusqu'à la limite du taux de l'usure, mais qui peuvent aussi être faibles dans d'autres cas, mais qui sont en général plus élevés que les crédits amortissables. Donc le premier élément que je veux souligner, c'est l'idée de discrétion dans le marketing du crédit revolving. Alors cette discrétion, elle m'a apparu à la fois dans les discours des cadres d'entreprise qui me disent que pour les clients, c'est très important d'assurer la discrétion, que les clients ne veulent pas que tout le monde sache qu'ils ont ce site de crédit et que c'est donc une histoire entre eux et nous, comme disait le cadre qui m'a parlé. Donc, dans les outils de marketing, ça se voit. Alors, ça, c'était un premier document qui est un extrait d'un truc envoyé par la Poste sur la carte bleue Mistral qui va. C'est FINAR, ça, c'est la FNAC en fait. Enfin, bah, en fait, c'est à la FNAC notamment, on peut avoir FINAC. Et donc, on voit que vous pouvez avoir la carte bleue pour régler vos achats en toute discrétion, vous écrivez là. L'accès à votre compte devient immédiat. Personne à part vous ne sait que vous réglez à crédit car votre carte ressemble à toutes les autres. Donc on voit vraiment à quel point c'est dit. Et effectivement, on voit que c'est une carte bleue, Visa, qui vraiment ressemble à toutes les autres, avec seulement ici écrit FINAREF. Mais si on ne regarde pas de près, ça ne se voit pas. Donc c'est une discrétion. Sur d'autres cartes de crédit, il y a des formes de discrétion, par exemple les cartes bancaires des banques suisses. On n'a pas de logo sur les cartes, on n'a pas de numéro d'appel vers la Suisse. Donc là, c'est une discrétion qui masque la richesse. Ici, au contraire, c'est une discrétion qui masque le fait qu'on ne paye pas avec son propre argent et qu'on est donc le seul à savoir qu'on est dans cette relation de crédit. Là aussi, donc, c'est une autre publicité pour un compte de crédit agricole. Vous seul savez que vous utilisez votre compte open, vous réglez en fait en toute discrétion. Donc on règle avec la carte bancaire et en fait, seule la banque et la personne qui utilise la carte le savent. Donc on est bien dans l'idée de deux espaces distincts qui peuvent ressembler, qui pourraient ressembler au « eux » et « nous » d'Hogarth, sauf que la différence, c'est qu'on n'a pas une sociabilité entre les « eux » et les « nous ». Enfin, ceux qui sont à l'intérieur du monde du crédit ne se connaissent pas forcément et ne sont pas, n'ont pas forcément des normes partagées. Par contre, la complicité, enfin, donc on n'a pas une complicité qui créerait une communauté des utilisateurs de crédit. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt distingué entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire l'intérieur de la zone du crédit, et qui est constituée en fait de l'union des deux parties, le prêteur et l'emprunteur. Alors pour continuer à bien rendre clair les choses, on peut voir que les cartes de crédit ont pas mal évolué. Ça, c'est des vieilles cartes Kofinoga, qui sont, on voit bien là, on a le gros logo Kofinoga, là, le petit machin Smile qui est le point qu'on peut avoir. Donc là, c'est des cartes de crédit qui sont clairement des cartes de crédit. Et ça, c'est toutes les nouvelles cartes. Donc celle-là, c'est Sofinco, ça ressemble à la carte Gold ou à la carte bleue normale. Ou celle-là, qui est la nouvelle carte aussi de Kofinoga. Donc elles se banalisent, ces cartes de crédit, avec simplement une obligation que la loi impose depuis 2004, qui est d'écrire carte de crédit sur ces cartes. Mais là, par exemple, c'est écrit là, parce que c'est vraiment extrêmement discret. Mais les prêteurs, enfin les établissements spécialisés de crédit ne sont pas du tout à ça. Hein, la Société Générale ici, on voit là il y a écrit carte de crédit ici. C'est pas non plus extrêmement visible. Donc en fait, tout le monde fait à peu près la même chose pour faire de ces cartes quelque chose de très discret. D'ailleurs, toutes les lois qui veulent rendre le crédit plus difficile, etc. cherche justement à trouver des moyens de sortir de cette discrétion avec la dernière idée de Christine Lagarde qui est de dire le crédit vous engage comme pour les cigarettes là, fumez-tu et on est vraiment dans cette question là, c'est-à-dire savoir qu'on est en train de faire un crédit quand on l'utilise. Donc la question c'est de comprendre pourquoi les prêteurs font autant d'efforts pour masquer ces cartes de crédit, le fait que ces cartes soient des cartes de crédit, justement. Alors d'abord, ça pourrait être vis-à-vis du commerçant, puisque quand la personne paye chez un commerçant, avec ces cartes-là, ça ne se voit pas. Et ça, les prêteurs qui ont des services de marketing, d'études très élaborées, se sont rendus compte que pour une partie des clients, c'était important que ça ne se voit pas. Alors, on pourrait avoir une façon différente de voir les choses, de voir la carte de crédit comme un objet statutaire, ce qui est le cas notamment dans le système américain où les cartes de crédit sont à la fois beaucoup plus répandues, beaucoup plus faciles à montrer, et au contraire montrent qu'on est un très bon client de sa banque parce qu'on a la carte, je ne sais pas quoi, Super Gold, Super Platine, qui montre, American Express par exemple, on a toute une gamme, qui montre qu'on est vraiment un très bon client et qu'on a accès à ces cartes-là. Et donc là, on a un espace social partagé dans l'extérieur, où le niveau de la carte de crédit est convertible en capital symbolique social, si on veut. Dans le monde français, en fait, l'insistance sur la discrétion nous montre qu'au contraire, on ne peut pas vraiment mettre en avant le fait qu'on est en train de payer à crédit, et c'est plutôt quelque chose de stigmatisant que quelque chose qui pourrait être mis en valeur. Et par exemple, chez Kofinoga, ils ont changé leur système parce qu'initialement, la caissière demandait au client s'il voulait payer à crédit ou au comptant quand il payait avec sa carte Kofinoga. Donc le client qui voulait payer à crédit était parfois embarrassé de dire à crédit oralement devant d'autres clients. Et maintenant, il suffit de taper un code. Donc ça simplifie les choses. Et enfin, la dernière raison qui pourrait expliquer cette insistance sur la discrétion et que pour les clients eux-mêmes, si la carte est trop claire dans une carte de crédit, le paiement à crédit devient plus apparent. Et qu'il est aussi important de faire en sorte que les clients ne se rendent pas tout à fait compte qu'ils paient à crédit et que justement ils sont en train de prendre un engagement et de dépenser de l'argent qu'il va falloir ensuite intégrer dans un budget et rembourser. Et donc ici on est dans aussi l'évolution de ces formes de crédit revolving qui ont été longtemps des crédits uniquement donnés par des établissements spécialisés de crédit. Alors c'était soit pour acheter quelque chose, initialement on achetait quelque chose et on avait le crédit. Et puis après, c'est ce que notre Hélène Courant par exemple, ils ont eu l'idée de donner des sommes d'argent qui pouvaient être utilisées n'importe comment. Et donc ils se sont mélangés au budget, enfin à l'argent sur le compte. C'est-à-dire qu'on a sur le compte à la fois l'argent de ses revenus et puis l'argent de crédit. Et donc cet argent est de moins en moins marqué. Et en fait, les entreprises de prêt font en sorte de limiter tous les marqueurs qui pourraient limiter l'accès au crédit ou faire que les gens se restreignent dans leur accès au crédit. Par ailleurs, si la discrétion est nécessaire dans l'utilisation du crédit, c'est qu'elle masque une tension morale et permet à l'emprunteur d'élaborer un arrangement entre des normes de dépenses divergentes. Et ça, ça se voit sur la complexité. Enfin, je l'ai analysé à partir de la complexité du crédit revolving et la façon dont les gens en parlent, et donc aussi les vendeurs de crédit décrivent ce qu'est le crédit revolving à leur client. Donc d'abord, là, on est aussi dans une spécificité française par rapport aux Américains, c'est que les Français souvent ne savent pas très bien comment fonctionne un revolving. Parfois, ils sont titulaires de comptes revolving sans savoir. C'est très souvent le cas justement avec les cartes de fidélité de magasins, qui sont des cartes de crédit, et en fait, sans s'en rendre compte, les gens se retrouvent avec des crédits. Et j'ai pu observer plusieurs fois dans des guichets de vente de crédit dans des grands magasins, des clients qui venaient totalement horrifiés parce qu'ils s'apercevaient que depuis plusieurs années, ils payaient un revolving à des taux prohibitifs, sans s'en être aperçus. Et alors, ce qui est étonnant ici, c'est que les clients ne s'en aperçoivent pas, viennent protester en disant qu'on a abusé de leur confiance parce que justement une confiance s'était créée avec les conseillers. Alors je passe sur la façon dont les conseillers, enfin, il y a tout un jeu pour créer cette confiance, non, pourtant des ventes de crédit très anonymisées, mais en tout cas c'est un signe que la compréhension de ces crédits est très difficile. De même, je cite dans mon chapitre des gens, enfin notamment une interviewée qui m'a longuement expliqué comment elle a essayé de comprendre ce qu'elle aurait à payer avec son revolving. Donc elle a téléphoné à la banque, on lui a dit c'est pas nous, c'est un service spécial du revolving. Elle a téléphoné au service spécial. Là elle est tombée sur un petit jeune qui lui a dit oui mais moi vous savez, je suis là, je peux vous dire combien vous avez à payer le mois prochain, mais c'est vraiment comment ça marche, c'est vraiment pas mon truc. Et donc en fait c'était impossible pour elle d'avoir des renseignements plus précis. Et finalement, ce qu'elle a compris, c'est qu'il fallait qu'elle se débrouille elle-même et qu'elle utilise le moins possible. Mais je cite aussi un cas plus, choquant socialement, qui est celui d'un couple de RMistes qui ont vraiment très très peu d'argent et qui depuis des années ont un revolving de 1 500 €. Dont il rembourse tous les mois 76 € et ensuite retire 50 €. Donc en fait, tous les mois, il paye 26 € pour garder ce crédit qui ne sera jamais remboursé. Tout en sachant très bien. Enfin, en fait, il ne savait pas. En fait, c'est des enquêtes de gens qui avaient des microcrédits. Et donc, au cours de la prise de microcrédits, ils ont rencontré un peu des banquiers qui regardaient leur compte et qui leur ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vous coûte une fortune. Donc quand nous on les a rencontrés, ils avaient déjà pris conscience de ça, mais c'était très récent. Et en même temps, ils se disaient bah oui, mais ça nous fait quand même 50 € par mois, on en a besoin. Et donc c'était une forme de calcul quand même très, très bizarre. Mais on voit bien que ici on est dans un manque d'information énorme, aussi dans une contrainte financière. Puisque c'est le banquier qui leur a fait ce crédit, qui leur a imposé cette forme de crédit-là, ils n'ont pas pu faire en sorte d'avoir mieux. Et donc même s'ils savent que le crédit sera jamais remboursé, ils ne voient pas comment ils pourront en sortir. Mais donc on a ces cas-là de gens qui sont complètement dans une situation de domination totale, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils ont pris, et ça leur coûte très cher, et par rapport à leur budget, c'est vraiment de la spoliation de la part des banques. Mais une des raisons aussi pour lesquelles les gens les plus démunis se tournent vers les établissements de crédit, c'est que souvent leur vision de la banque est une vision très, disons, institutionnelle, et ils ont relativement peur d'aller présenter leurs problèmes d'argent ou leurs besoins de crédit aux banquiers. Donc c'est le cas de celui que j'appelle Aklin, qui est gardien d'immeuble, et qui a racheté, qui a toute une histoire très compliquée de prêt à la consommation. Mais ce que je lui demande, c'est pourquoi il n'est pas allé voir la banque plutôt que cet élève, parce que c'est très mal passé avec cet élève. Et en fait, il me dit, ah non, surtout la banque, j'ai jamais eu de problème avec eux, et jamais je leur demanderai un crédit. Donc la banque, c'est vraiment pas l'endroit où on va aller présenter les problèmes qu'on peut avoir. Et donc les banques, en fait, peuvent garder cette réputation de censeur moral et faire respecter un système de dépenses, en tout cas dans l'esprit de ces clients-là, un système de dépenses qui correspond à accorder ses dépenses aux recettes et avoir un niveau de consommation qui est toujours au niveau de sa banque. Donc ça peut expliquer pourquoi les banques d'ailleurs ont des faibles parts de marché sur le marché des prêts par mois. Mais les raisons culturelles me paraissent un peu limitées pour expliquer cet écart, puisque les établissements socialisés ont 87% de parts de marché, et les banques 13%. Et en fait, les banques sont en train d'essayer de gagner. De gagner ce marché, de s'avancer dessus. Alors, leur problème principal, c'est qu'elles ne sont pas dans les magasins, et c'est là encore, c'est le plus en ligne. Mais en fait, et aussi, les employés sont un tout petit peu réticents à vendre ce genre de produit, puisqu'on leur a très longtemps expliqué que c'était vraiment le diable, et que c'était les méchants établissements de crédit qui faisaient ça, et pas les gentils. Et donc, du coup, j'ai regardé plutôt comment font les établissements spécialisés de crédit qui, eux, ont longuement travaillé au marketing et à la vente de ces produits-là pour construire cet espace discret à l'abri du modèle de dépenses dominant, qui est un modèle qui dit du mal de ce type de crédit. Alors d'abord, le crédit est moralement autorisé dans les discours. C'est-à-dire que les employés disent aux gens, il n'y a pas de problème, vous savez, nous-mêmes, on est tous sûrs, on n'est pas du tout choqués. Et donc, ils acceptent deux déviances, entre guillemets, par rapport à la commune. D'abord, des dépenses supérieures aux revenus, qui sont à des fins de consommation, de plaisir et pas forcément d'investissement. Elles présentent d'ailleurs toujours dans leur publicité ces fins comme hédonistes, comme on est en train de compartir en vacances pour se faire plaisir. Mais elles acceptent aussi des problèmes d'argent. En disant, on donne des coups de pouce, on va donner de l'air à votre budget. Donc elles donnent un cadre à la fois moral et technique à ces systèmes de dépenses différents. Du coup, on comprend que des personnes très éloignées puissent se retrouver dans cette région morale, comme je l'ai appelé, créer la consommation. À la fois des gens qui peuvent être plutôt aisés et puis qui ont besoin tout d'un coup d'emprunter justement pour un départ en vacances ou quelque chose qui leur fait plaisir sans attaquer un patrimoine qui peut être placé ou sans avoir d'ailleurs de patrimoine mais qui par ailleurs n'est pas contenu. Et puis on a aussi des gens qui ont des revenus faibles et qui ont plutôt des familles difficiles qui viennent combler avec ces crédits-là. Donc on a des dispositifs qui sont accueillants aux personnes gênées financièrement. Donc c'est ce que nous dit un cadre. Chez nous, les gens peuvent discuter de leurs histoires d'argent tranquilles, sans jugement de valeur. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, qui est renforcé par le discours tenu aux employés, à qui on répète sans cesse qu'ils doivent limiter les jeux de valeur, et aussi la façon dont on leur dit, enfin, dont ils apprennent à parler aux gens. Et ça se voit notamment dans le plateau téléphonique du recouvrement, qui est un endroit, en fait, à un grand étonnement, extrêmement calme, en tout cas dans une des deux ESC où j'ai fait une enquête, où ce sont des femmes, disons, d'une quarantaine d'années, avec les photos des enfants posées sur la table, donc très... c'est en province, elles ont toutes un mari, une maison... un garage à deux places. Donc elles ont un côté installé, maternel, et en même temps au courant de ce qu'est une vie avec des charges familiales et des besoins de dépenses. Et donc elles sont toutes relativement stables et posées, et elles expliquent aux clients qu'on va trouver une solution, que bon, comment on peut faire, quand est-ce que vous recevez votre salaire, on va se débrouiller ce mois-ci, on peut vous laisser un mois de plus, etc. Et donc, et très souvent, les clients qui au départ sont pas très heureux de se retrouver au téléphone avec quelqu'un du recouvrement, finalement sont apaisés, remerciés à la fin. Disent que oui, ils vont aller à la poste de ce pas faire un mandat pour envoyer la somme promise. Et ce qui contrastait beaucoup avec l'autre ESC, où là c'était des jeunes qui pour la plupart justement vivaient chez leurs parents en région parisienne, avaient assez peu l'idée de ce qu'était la vie des gens qui faisaient au téléphone, et avec un plomb qui montait très vite. Des jeunes hommes notamment qui faisaient un peu les coqs. Et qui tout de suite disait « Mais monsieur, pourquoi vous faites ce tour de ça ?» Et là, ça marchait beaucoup moins. Et d'ailleurs, les résultats des deux systèmes de recouvrement étaient... le premier avait de très bons résultats. Depuis qu'ils avaient installé ce système-là, ils avaient augmenté leurs résultats. Voilà, donc ça, c'est une façon de faire, de mettre les gens à l'aise sur l'action morale. Autre façon de faire, c'est l'anonymisation de la relation. Alors, je passe un peu par le téléphone, par Internet. C'est des moyens de faire en sorte que les gens prennent des crédits sans avoir réellement à parler à une vraie personne face à eux et avoir à se justifier. Et puis, la dernière chose, c'est que finalement, ces organismes de crédit entrent dans l'intimité des personnes. Et d'une certaine façon, affaiblissent les tensions morales jusqu'à masquer le caractère marchand du lien entre le vendeur et le prêteur. Et en faisant en sorte que l'engagement apparaisse extrêmement léger, l'engagement que prennent les emprunteurs apparaisse très léger, et donc que le crédit ne soit pas seulement discret vis-à-vis de l'extérieur, mais discret dans le fait qu'il y ait une relation marchande qui soit unie. Alors, non, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Je vais passer dessus. Hop, hop, hop, hop. Oui, voilà. Donc, les publicités de CPLM sont une mine d'analyse sur la façon dont le crédit est présenté. CPLM, c'est vraiment les premiers. Les autres se sont mis aussi à personnifier le crédit, mais ils ont fait ça de façon systématique et très, très développée. Et donc, ils ont ce petit personnage qui vient gentiment aider les familles à mieux vivre et donc à pouvoir participer au crédit en bonne ligne sans être embêté, puisqu'on a des publicités où le petit bonhomme vert dit, et avec un jeune homme par exemple qui veut acheter d'abord une batterie, je crois, alors il va lui acheter la batterie, et puis il marche dans la rue et il passe devant un marchand de piano, et là il lui dit non, tu peux pas acheter le piano. Donc en plus le bonhomme vert est responsable, parce que cet élève est à fond dans le crédit responsable. Et donc là, on est bien dans l'intérieur de l'espace du crédit, puisque le petit bonhomme est avec la famille, et il vit avec un deuxième, Là, il donne la clé, parce que la clé de la voiture. Donc ça, c'est pas même un crédit revenu, mais c'est voilà, toujours des grands sourires, le ciel bleu et tout le monde est très content. Et puis on a cette dernière qui est beaucoup plus inquiétante à mes yeux, on a le petit bonhomme qui sait se faire discret mais qui est quand même très présent dans cette scène. Et on voit bien, en même temps il y a une menace parce que le jeune homme qui invite la jeune femme, si tout à coup, enfin c'est pas de Cendrillon, qui lui dirait que finalement tout ce petit décor qu'il a mis en place pourrait disparaître. Et donc il faut faire bien attention. Donc là on est vraiment dans l'intimité, enfin le crédit est dans l'intimité du couple, avec un engagement qui est féminin, puisque en plus le texte explique qu'il peut reporter une mensualité. Donc c'est en plus discret dans le budget, léger. Mais en même temps, ce crédit qui accompagne le client, qui est très souvent utilisé par ailleurs dans le monde du crédit à la consommation, peut être, si on reprend la famille dont je vous parlais tout à l'heure, qui a son revenu depuis des années à 2 500 €, on peut voir aussi que cet accompagnement, ça peut être justement une espèce de charge dont il est impossible de se débarrasser. Et c'est toujours la question de la dette, c'est-à-dire que l'accompagnement de la dette, c'est aussi une contrainte qui existe. Et donc ce lien qui est privé, ce crédit qui est un lien privé en fait entre le client et le prêteur, les banques font beaucoup d'efforts pour garder la privatisation, notamment dans toutes les discussions sur le fichier positif. Ça revient très fortement, puisque l'argument de protection des privés, mais en fait le vrai argument, c'est que les banques ne peuvent pas donner leurs historiques avec les clients, puisque c'est à partir de ça qu'elles prêtent. Et c'est notamment les établissements spécialisés de crédit prêtent de plus en plus aux clients qui ont déjà bien remboursé. Et donc si elles donnent ces informations-là aux autres, elles perdent vraiment un secret professionnel qui est très important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si on regarde qui sont les organismes pour et qui sont les organismes contre, ceux qui sont pour, c'est les petits, et ceux qui sont contre, c'est évidemment CPM. Qui a des informations très très précieuses. Si on fait une comparaison rapide avec les États-Unis, on voit que c'est vraiment pas du tout le même fonctionnement. Enfin, les Français ont gardé cette importance du coup du lien entre le prêteur et l'emprunteur, qui est un lien d'interconnaissance, et de même pour l'emprunteur, il peut avoir des taux meilleurs là où il est déjà connu, alors que quand il arrive dans un nouvel endroit, il est obligé de repasser par tout le système pour prouver qu'il est un bon emprunteur. Et on voit là aussi que du coup l'hétéronomie de la dette, qui en fait là je trouve est très fortement représentée, est finalement la grande limite à sa discrétion. Elle peut devenir extrêmement lourde quand on prend les femmes. Voilà. Merci. C'est fascinant. C'est comme une histoire du cinéma avec ou le théâtre où il y a de la fumée, puis les rideaux. Et c'est vraiment la vente de l'illusion en fait qui et grâce à cette fidélité anonyme qui se perpétue aussi dans le... Je pensais quand le paiement se fait de manière anonyme par le courrier. Maintenant, c'est le online, donc il n'y a plus la poste qui joue comme intermédiaire. Mais il n'y a même plus besoin d'écrire. Ça se prélevait directement sans même qu'on matérialise le fait qu'on paye. Mm-hmm. Non, c'est fascinant de voir vraiment cette culture, ce système de mascarade en fait. Tout le monde participe. Mm. Oui, c'est un peu ça l'idée, c'est que les clients eux-mêmes trouvent un bénéfice, en tout cas un apaisement de l'attention qui pourrait leur